Chapitre 9e. École, climat, melon d'eau, 4 juillet, orage, port, maison mouvante, Monsieur Flint, littérature. Cincinnati contient plusieurs écoles, mais j'ai eu peu d'occasion de juger de leur mérite. La seule que j'ai visitée était tenue par le docteur Locke, qui paraissait avoir des opinions libérales et élevées sur l'éducation des femmes. Si son système pouvait avoir des résultats proportionnés à sa bonté, dans quelques années, les dames de Cincinnati y auraient beaucoup gagné. J'assistais aux examens publics de cette école, et je ne reconnus pas sans surprise que les plus hautes sciences faisaient partie des études des jolies petites créatures que je voyais rassemblées. Une charmante jeune fille de 16 ans prit ses degrés en mathématiques, et une autre fut examinée sur la philosophie morale. Elles rougissaient d'une manière si touchante, elles étaient si belles dans leur embarras, qu'il aurait été difficile pour un juge plus habile que moi de décider jusqu'à quel point elles méritaient le diplôme qu'elles recevaient. Cette méthode de graduer les jeunes demoiselles et de leur accorder des diplômes lorsqu'elles quittent une pension était tout à fait nouvelle pour moi. Du moins, je ne me rappelle pas avoir vu nulle part quelque chose de semblable. Je craindrais que le temps consacré par ces belles graduées ne fût pas suffisant pour leur permettre d'atteindre la perfection dans les hautes sciences que leurs professeurs leur enseignent. 3 mois de mathématiques ou 6 mois d'économie politique, de philosophie morale, algèbre ou études sur la quadrature du cercle peuvent à peine permettre aux maîtres et aux élèves d'amasser, par leurs efforts réunis, une assez bonne provision de ces sciences pour qu'il en reste quelque chose dans la suite à ces jeunes filles devenues femmes, au milieu des tourments et des cris d'une demi-douzaine d'enfants et n'ayant que l'aide d'une seule servante. Vers la fin de mai, nous commençâmes à sentir que nous étions dans un climat plus chaud que celui de l'Angleterre. Mon fils souffrait violemment de cette chaleur. Il fut saisi d'une fièvre bilieuse très forte, et pendant quelques jours nous craignîmes pour sa vie. Le traitement qu'il suivit était sans doute convenable, cependant la dose de calomel prescrite était énorme. Je demandai un jour combien de grains je devais préparer, et l'on me répondit d'en donner plein une demi-cuillère à café. La différence de climat doit, je le suppose, produire aussi une différence dans les effets de ce remède. Sans cela, la manière dont on l'administre dans le Nouveau Monde ressemblerait davantage à celle dont on l'administre dans l'Ancien. Anstey, parlant des médecins de Bath, dit « Personne n'a jamais vu aucun de ces messieurs prendre les remèdes qu'ils ordonnent. » Je puis affirmer par expérience qu'on n'a pas le droit de faire une pareille plaisanterie à l'égard des médecins qui prescrivent une si forte dose de calomel en Amérique. J'en citerai un exemple. Plus tard, dans le comté de Montgomery, près de Washington, un médecin venait rendre visite à un de nos voisins et se plaignait d'être lui-même malade. « Il faut vous soigner, docteur, » dit le patient. « C'est ce que je fais, » répondit le médecin. « J'ai pris 40 grains de calomel hier et je sens que cela va mieux. » De violentes saignées furent aussi pratiquées sur mon fils, et en peu de jours il lui fut impossible de quitter sa chambre, mais il avait horriblement maigri, et il se passa plusieurs semaines avant qu'il lui recouvrait ses forces. À mesure que la chaleur augmentait, nous entendions parler de maladies autour de nous. La ville est pleine de médecins et on les voyait courir de tous côtés à la première alarme. Un de ces messieurs nous disait que lorsqu'un médecin voulait s'établir dans un nouveau quartier, s'il connaissait bien son état, il se promenait toujours pendant la nuit dans les rues avant de se décider. S'il voyait la triste lueur d'une lampe de nuit à plusieurs fenêtres, il pouvait être sûr que le mal exerçait ses ravages dans ses habitations et que le quartier était favorable. À en juger par ces exemples, Cincinnati était loin d'être une ville saine. Craignant pour notre santé, je me déterminai à la quitter. Mais pendant longtemps, il me fut impossible de me procurer un logement à la campagne. Il y avait beaucoup de pensions bourgeoises dans les environs, mais elles étaient encombrées de monde. On nous conseilla de marcher aussi peu que possible pendant la chaleur du jour, mais les matinées et les soirées étaient délicieuses. Pendant plusieurs semaines, je n'étais jamais dans mon lit après 4 heures du matin. Alors j'accompagnais mon aide au marché, où la nouveauté de la scène me procurait beaucoup d'amusement. On menait tous les jours à ce marché plusieurs charrettes chargées d'énormes melons d'eau, et j'étais sûr de voir des groupes d'hommes, de femmes et d'enfants assis sur le pavé autour du lieu où on les vendait, suçant une prodigieuse quantité de ce fruit rafraîchissant. Leur manière de dévorer ces melons est extrêmement désagréable. L'immense fruit est coupé en une demi-douzaine de morceaux d'un pied de long, puis, tout dégouttant d'eau, appliqué à la bouche, des deux côtés de laquelle il découle des torrents de ce liquide. De temps en temps, la bouche s'ouvre pour lancer à droite et à gauche une prodigieuse quantité de graines noires au grand désagrément de ceux qui en sont atteints. La première fois que je goûtais ce fruit, je le trouvais peu agréable, mais avant la fin de la saison, nous apprîmes à l'aimer. Lorsqu'on le prend avec du vin de Bordeaux et du sucre, cela fait de l'eau rougie délicieuse. À Cincinnati, les hommes ont l'habitude d'aller au marché. Les plus élégants et les plus distingués par leur fortune ne se font pas scrupule de quitter leur lit au lever du soleil 6 fois par semaine, et munis d'un énorme panier, d'aller chercher de la viande, du beurre, des œufs et des légumes. Je les voyais tous les jours revenir avec leur pesant fardeau à un bras, et tenant de l'autre main un jambon non moins lourd. Le 4 juillet était arrivé. C'est le plus grand jour de fête des Américains. Le 4 juillet 1776, la déclaration de leur indépendance fut signée à Philadelphie. À mes yeux, la froideur sèche et le manque d'enthousiasme des Américains étaient un de leurs plus grands défauts. J'attendais donc avec impatience les démonstrations générales de joie que ce jour devait faire naître. Le 4 de juillet, le cœur des Américains semble s'éveiller d'un sommeil de 364 jours. Ils paraissent de bonne humeur, gais, animés, généreux, ou du moins libéraux dans leurs dépenses. Et s'ils voulaient se dispenser de cracher ce jour-là, je dirais que le 4 juillet au moins, les Américains sont un aimable peuple. Il est vrai que les femmes participent peu à la splendeur et à la gaieté de cette journée. Mais à l'exception de cette particularité, ce jour de fête fut vivement senti et présentait un beau coup d'œil. Et si les Américains n'avaient pas le mauvais goût de prononcer chaque année un discours dans lequel ils injurient leur mère patrie, pour ne rien dire de l'espèce de manifeste guerrier appelé la Déclaration de l'Indépendance, notre gracieux souverain lui-même pourrait regarder cette scène d'un œil calme, et même se réjouir que 12 millions d'êtres turbulents, à 1500 lieues de son trône et de ses autels, fissent leurs propres lois et bussent leur thé de la manière qui leur convient le mieux. Dans ce lointain climat, les fréquents orages avaient pour nous un profond intérêt. Ceux qui n'ont entendu que le tonnerre d'Angleterre n'ont qu'une faible idée du langage que parlent les dieux lorsqu'ils sont en courroux. La description de Thomson, néanmoins, se rapproche de ce que nous avons vu. Il est presque impossible que des mots peignent mieux ce spectacle ou soient plus réellement l'écho de ce bruit que les siens. La seule chose qu'il ne peut rendre est cette couleur d'un rouge foncé qui enflamme tout l'horizon pendant ces orages. En lisant cette célèbre description en Amérique, j'observais combien elle se rapportait à la nature du Nouveau Monde. Afin de produire de l'effet, un poète, en conservant les proportions et le coloris, peut donner à ces images plus d'étendue qu'elles n'en ont dans la nature. Mais sur le grand continent de l'Amérique, tout est colossal. S'il pleut, s'il vente, s'il fait du tonnerre, c'est toujours fortissimo. Pendant les scènes d'une magnifique horreur que nous offrait un orage, j'éprouvais souvent que la terreur cédait à l'étonnement et à l'admiration. Les accidents sont certainement plus fréquents que chez nous, mais ils ne le sont pas assez cependant pour effrayer une personne raisonnable, toutes les fois qu'une sombre masse de nuages est poussée contre le vent. C'est de l'enfantillage sans doute de prendre un lieu en aversion parce que l'objet de son principal commerce est désagréable à la vue. Mais il est certain que j'aurais beaucoup mieux aimé Cincinnati si l'on y eût fait un commerce moins considérable de cochons. On comprendrait à peine les immenses affaires qui sont faites sur ce produit si l'on n'en avait pas été témoin. Je ne lus jamais un journal sans y remarquer un avertissement semblable à celui-ci. On a besoin tout de suite de 4000 cochons gras. À vendre, 2000 barils de cochons salés. Mais ce n'était pas là le plus grand ennui. Si nous allions nous promener dans Main Street, nous étions sûrs d'être caressés par un groin fraîchement sorti du ruisseau avant que nous eussions pu atteindre le trottoir. Lorsque nous avions réuni tout notre courage pour grimper sur une belle montagne en forme de pain de sucre, qui promettait un air plus pur et une vue immense, nous trouvions le ruisseau que nous étions obligés de traverser, rougi par le courant qui s'échappait d'une maison où l'on égorgeait des porcs, tandis que notre odorat, loin d'être flatté par le thym qui aime la verdure des montagnes, était salué par des parfums que je n'essaierai pas de décrire, et que mes lecteurs n'imagineront pas, je l'espère. Nos pieds, qui en quittant la ville, avaient espéré fouler un sol fleuri, trouvaient toutes les peines du monde à se débarrasser de queue et de mâchoire. Ainsi, la plus jolie promenade du voisinage nous fut interdite à jamais. Une des singularités de l'Amérique, c'est de voir des maisons se mouvoir d'un lieu à un autre. Nous nous amusions souvent dans les rues à contempler cette exhibition d'adresse mécanique. On n'éprouve aucune difficulté à conduire une maison d'une partie de la ville dans une autre. Celle que j'ai vue voyager ainsi était entièrement construite en bois, à l'exception des cheminées. Mais on dit que des maisons de briques sont quelquefois traitées avec aussi peu de cérémonie. La plus grande de celles que j'ai vues transporter contenait deux étages de quatre chambres chaque. Elles étaient traînées par 40 bœufs. Les premiers pas renversèrent le haut des deux cheminées, puis, après ce petit accident, elle continua fort tranquillement son chemin. La plus grande difficulté est de partir, et de s'arrêter exactement à la place indiquée. Ce pouvoir locomotif est extrêmement précieux à Cincinnati, où les embellissements continuels font souvent désirer de changer une maison de bois pour une de brique. Lorsque ce désir est bien décidé, nous ne manquions pas de voir le numéro 100 de Main Street ou le numéro 55 de la seconde rue se glisser paisiblement hors de la ville pour prendre possession d'une situation plus humble dans un faubourg. La connaissance la plus agréable que je fis à Cincinnati est sans contredit celle de M. Flint. C'est un des hommes les plus instruits que je connaisse. Il est auteur de plusieurs volumes estimés et l'éditeur du Monthly Review de l'Ouest. Sa conversation est du plus haut intérêt. C'est le seul homme que j'ai connu s'adonnant à la satire et au sarcasme, sans que la bonté de son naturel et la douceur de ses manières en aient souffert. Dans quelques-unes de ses notices critiques, il y a une force et une finesse qui égalent tout ce que j'ai lu dans ce genre. C'est un zélé patriote et un Américain si dévoué à la cause de son pays que nous ne pouvions pas être toujours de la même opinion sur tous les sujets. Je ne sais si c'est la force et le brillant de son langage, la sincérité de ses sentiments et ses manières à la fois franches et distinguées qui me séduisirent, mais il est le seul Américain qui, dans ses louanges continuelles de son pays, ne me sembla pas un peu ridicule. Dans une occasion, mais non pas chez M. Flint, je passais la soirée avec un monsieur qu'on disait fort savant et versé dans la littérature. Il était aussi ce qu'on appelle un sérieux, et il paraissait éprouver du plaisir en songeant que ses droits à toutes ces distinctions étaient reconnus. Il y avait aussi dans la société une fort aimable dame sérieuse, à laquelle il confiait le développement de toutes ses pensées célestes, tandis qu'il me faisait l'honneur de m'adresser toute sa terrestre supériorité. La différence qu'il mettait entre nous deux, c'est que lorsqu'il s'adressait à elle, il parlait comme à une femme qui, si elle n'était pas son égale, méritait au moins une haute distinction, et il lui souriait comme l'archange Michel aurait pu sourire à Ève. Il me parlait à moi comme saint Paul aux juifs coupables. Il est vrai qu'il ne secouait pas devant moi la poussière de son manteau, mais il se servait de son mouchoir de poche de manière à suppléer à ce vêtement. Et si chacun de ses sentiments ne se terminait pas par ces mots « je suis pur », son ton, son regard, son action suppléaient aussi à ses paroles. Notre pauvre Lord Byron, comme on peut bien le supposer, était le point de mire vers lequel tous ses traits étaient dirigés. Je n'avais jamais entendu auparavant aucun gentleman sérieux travailler Lord Byron de cette sorte, et j'écoutais attentivement. Il était évident que tous les passages sublimes qui sont gravés dans tous les cœurs des admirateurs de la poésie avaient échappé à son attention, et il était de même certain qu'il savait par cœur tous ceux que ces mêmes admirateurs souhaiterait que le grand maître n'eût jamais écrit. Je le lui dis, et je n'oublierai de ma vie le regard qu'il me lança. Ses connaissances sur les autres auteurs étaient très imparfaites. Ses critiques en étaient d'autant plus amusantes. Voici le jugement qu'il portait sur Pope. Il est tellement usé que, dans notre pays, ce serait de mauvais goût que d'en parler. Je persévérais, et je nommais la boucle de cheveux enlevée, comme prouvant quelque peu de talent, et étant écrite sur un ton qui lui permettait encore d'être admise dans les salons. Mais lorsque je mentionnais ce petit poème, le gentleman sérieux tomba presque dans une aussi grande agitation que lorsque je parlais de Don Juan. Je cherchai en vain à comprendre la cause de sa colère, lorsqu'il murmura, en secouant dédaigneusement son mouchoir de poche, « Le titre seul !» etc., etc. Au nom de Dryden, il sourit, et ce sourire disait, aussi clairement qu'un sourire peut dire, « Comme cette vieille femme radote !» Nous ne connaissons Dryden que par des citations, madame, et elles se trouvent dans les livres qu'on ne lit plus depuis longtemps. Et Shakespeare, monsieur? Shakespeare, madame, est obscène. Et Dieu merci, nous sommes assez avancés pour avoir pu nous en apercevoir. Si nous sommes condamnés à l'abomination du théâtre, que les pièces au moins participent à l'élégance du siècle. Ces paroles étaient au courant du jour. Il ne connaissait rien de Massinger. Il n'avait jamais entendu parler de Ford. Gray avait eu son temps. Il n'avait jamais lu Pryor. Mais il avait entendu dire que c'était un écrivain très futile. Il mettait sur le même niveau Chaucer et Spencer, et coupa court en disant que ce n'était que par affectation qu'on parlait d'auteurs qui avaient écrit dans un langage qui n'était plus intelligible. Voilà la conversation la plus littéraire que j'eus jamais à Cincinnati, car les entretiens charmants, sans prétention, et remplis d'aisance sur tous ces sujets, dont je jouissais dans la famille de M. Flint, font exception à tout ce que j'ai entendu dans cette ville. Il existe bien des raisons qui rendent la connaissance générale de la littérature impossible en Amérique. Je ne mets point comme exception à cette remarque l'habitude universelle de lire les journaux. Sans cela, cette exception détruirait ma remarque, et j'aurais dû dire que l'Amérique est le pays le plus lettré. Le fait est que, dans tous les rangs de la société, depuis le riche marchand, ce qui est le plus haut rang, jusqu'à son domestique, ce qui est le plus bas, tout le monde est trop occupé pour avoir le temps de lire, à moins que ce ne soit le journal dans un moment perdu. C'est par cette raison, je suppose, que les journaux américains sont plus ou moins un magazine où le marchand peut jeter un coup d'œil tout en s'occupant d'une facture et lire les stances de Mr. Hemans ou un extrait choisi de la vie de Lord Byron par Moore. L'homme de loi peut étudier son droit avec conscience et cependant parcourir l'article de quelques critiques américains qui décident dans sa sagesse que les romans de Bulwer sont décidément supérieurs aux ouvrages de Sir Walter Scott. Le crieur donc en lui-même, tout en se démenant dans son tuyau ou sa tribune, pour soutenir ses prétentions au savoir, trouve encore le temps de jeter un regard rapide sur les colonnes d'un journal et de lire que les descriptions de Miss Mitford sont indescriptibles. Si vous achetez une ode de ruban, le marchand pose son journal pour la mesurer. J'ai vu un charretier de brasseur perché sur sa charrette, lisant un journal, tandis qu'un autre était plié sous son bras. Une autre fois, dans la chaumière d'un cordonnier de campagne qui s'appelait Harris, je vis un journal à moitié plein de poésies originales dédiées à Madison F. Harris. On peut être sûr que je demandai au cordonnier si Madison était son nom. « Oui, madame, répondit-il, je m'appelle Madison Franklin Harris. » La forme et la lyre se partageaient son temps trop également, je le crains, car il avait l'air pauvre et malade. Voilà, je crois, ce qu'on appelle l'instruction générale dont se vantent les Américains. Cette instruction est assez générale, j'en conviens, mais je doute beaucoup qu'elle soit avantageuse à la population. Les seuls hommes instruits que j'ai rencontrés, ce sont ceux qui faisaient de la littérature leur profession. Et il y en avait quelques-uns qui auraient pu prétendre à un rang élevé dans la Grande République, non pas celle d'Amérique, mais celle des lettres. Ils avaient écrit pour des personnes moins adonnées à l'étude des magazines et des journaux, et à un plus haut encore, s'ils avaient écrit pour le petit nombre et non pour la foule. J'établissais toujours un parallèle, peut-être futile, entre le manque d'élégance extérieure et intérieure des volumes imprimés en Amérique. Les compositions des Américains n'ont pas cette précision de pensée et ce fini achevé que donne la conviction d'écrire pour des savants ou des hommes de goût. Pas plus que leur papier bleu sale et leur caractère usé n'ont l'élégance qui convient à un volume destiné à passer dans les mains et sous les yeux d'un épicurien littéraire. Les chroniques de la Canongate furent le premier livre que j'achetai en Amérique. Lorsque je demandai le prix, je fus agréablement surprise d'entendre dire 1,5 $. C'était à peu près la sixième partie de ce que j'avais l'habitude de payer en Angleterre pour les ouvrages du même auteur. Mais en ouvrant les vilaines pages, je ne trouvais plus que ce fût bon marché. Certes, on ne devrait pas regretter la vue d'un beau papier luisant en lisant une nouvelle de l'auteur de Waverley. Cependant, je dois confesser, à ma honte, qu'en tournant le vilain papier gris, mon esprit, trop occupé des choses de la terre, s'arrêta souvent au milieu de son plaisir pour soupirer après les presses satinées de l'Angleterre.